بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، وقد أوردها الإمام أبو عمر وشيخنا في تهذيبه، وهي قصيدة بليغة. أولها: مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوذي من كريم مآربي، مدحت امرأ فاق المديح موحدا بأوصافه أن مبعد ومقاربي. Donc ça c'est le début de la قصيدة qu'il a cité, de celui qui a, du Mu'tazili qui a vanté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les poèmes on va pas traduire, c'est un peu complexe. En tout cas il loue, c'est le début donc de ses louanges envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَجَمِعُ قَبَيْلِ الْعَرَبِ مُجْتَمِعُونَ مَعَهُ فِي عَدْنَانِ. Donc l'ensemble des tribus arabes s'unissent avec lui, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur Adnan, dans leur grand-père. Donc ça, comme on l'a vu, c'est les Musta'ariba, c'est-à-dire ceux qui ont été arabisés, et les Arabes Ariba, comme les gens du Yémen, Himyar, Hadramaut, etc., et les Ansar, eux, c'est des, ils remontent à Qartan. On les a dit, قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. Donc dans l'ayah, je dis, je ne vous demande pas de récompense, sauf si ce n'est l'affection par rapport à nos liens de parenté. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة. Il n'y avait pas un ventre. Donc ça c'est dans les tribus. On dit des ventres, c'est-à-dire des sous-tribus à l'intérieur de Quraysh, ils se divisent encore. Il n'y avait pas un ventre de Quraysh sans que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ait une parenté avec. Rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah. قال وهو صفوة الله منهم كما رواه مسلم في صحيحه عن واتلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل ثم اختار من كنانة قريش ثم اختار من قريش بني هاشم ثم اختارني من بني هاشم. Donc, et c'est celui que Allah Azzawajal a élu parmi eux, comme l'a rapporté par Muslim d'après Wasila. Donc, dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a choisi Kinana des enfants de la descendance d'Ismaïl. Puis, il a choisi de Kinana Quraysh. Et on avait vu que Quraysh, c'est An-Nadr ibn Kinana, un des fils de Kinana. Puis il a choisi de Quraysh Bani Hashim, donc la tribu de Bani Hashim. Puis il m'a choisi de Bani Hashim. قال وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم غيرهم يجتمعون معه في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. Donc il dit de la même façon, les enfants d'Israël, leurs prophètes et autres qu'eux, sont tous unis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Ibrahim. C'est-à-dire tous leurs ancêtres, c'est Ibrahim, leur ancêtre commun. الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب. Celui que Allah Azza wa Jalla a mis dans sa descendance la prophétie et le livre. C'est-à-dire que les prophètes après lui étaient tous de sa descendance. هكذا أمر الله سبحانه بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné aux Bani Israël de la bouche de Moussa alayhi salam. Et Allah Azza wa Jalla dit: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. Nous avons envoyé Nouh et Ibrahim et avons mis dans leur descendance la prophétie et le livre. Tous les prophètes sont de la descendance de Nouh, tout comme ils sont tous après Ibrahim de sa descendance. وهو في التوراة كما ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به صلى الله عليه وسلم. Et donc beaucoup de savants parmi ceux qui rassemblent les annonces de sa venue, les annonces des prophètes de la venue de Mohammed صلى الله عليه وسلم, ils ont cité que c'est dans la Torah que les juifs ont et qu'ils n'appliquent pas. إن الله تعالى قال لهم ما معنى. Donc Allah leur a dit ce dont le sens est: سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له واجعله عظيما جدا. Donc je vais placer pour vous parmi les enfants de votre frère un prophète, vous entendrez tous parler de lui. Et j'en ferai quelqu'un d'immense ou de très important. Donc ça fait partie des Israéliyat que on ne dément pas et on n'affirme pas. C'est-à-dire là, le sens, il s'oppose pas au djinn. Donc, on dément pas, mais on n'affirme pas, car ils ont modifié leur texte. Parmi les enfants de votre frère, c'est-à-dire parmi les Arabes. وَلَمْ يُولَدْ مِنْ بَنِي إِسْمَعِيلَ أَعْظَمْ مِنْ مُحَمَّدْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ. Et il n'a pas été, il n'est pas né parmi la descendance d'Ismaïl de quelqu'un de plus important que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, sans aucun doute. بَلَمْ يُولَدْ مِنْ بَنِي آدَمْ أَحَدٌ وَلَا يُولَدْ إِلَى قِيَمِ السَّاعَةِ أَعْظَمُ مِنْهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ. Et même, il n'est pas né de toute la descendance de Adam, ni ne naîtra jusqu'à ce que l'heure se lève, de plus important que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ قَالَ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمْ وَلَا فَخْرَ آدَمْ فَمَنْ دُونَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ لِوَائِي. Il a dit donc dans le hadith, je suis le seigneur des enfants d'Adam, sans me vanter. Adam et autres que lui parmi les prophètes seront sous ma bannière. Le cher l'a authentifié, le début du hadith il est dans Muslim. Et la suite, qui seront sous sa bannière, c'est dans At-Tirmidhi. وَصَحَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَأَقُومْ مَقَامًا يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ. Donc il a dit, j'aurai une position que toute la création désirera, même Ibrahim. هَذَا هُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وَعَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم. Donc c'est ça, cette position, c'est le maqam al-mahmoud, la position louée que Allah Azzawajal lui a promis. Et c'est la grande intercession par laquelle il intercédera pour toute la, pour tous les gens, pour toute la création. ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر. Afin que Allah Azza wa Jal, donc lorsqu'ils attendront à la terre du Mahshar, du rassemblement, et que ils seront dans leur sueur, comme c'est venu que le soleil sera à 1000 au-dessus des têtes, et que la sueur arrivera jusqu'à la moitié des oreilles, pour certains. Ils demanderont d'intercéder auprès d'Allah pour qu'il juge, et c'est cette grande intercession. Comme c'est vu dans les hadiths authentiques, et qu'il l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ummuhu Aminatu bint Wahb ibn Abdi Manaf ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murrah. Donc à la fin, Ibn Kathir l'a cité sa mère. Après avoir cité le Nasab, son origine du côté des pères, bien sûr, au contraire des juifs qui, eux, font l'origine de la personne par rapport aux mères. Donc lorsqu'il est juif par rapport à sa mère, la personne est juif. Et ça, c'est, bien sûr, c'est encore une fois changer les réalités. Et l'origine de la personne, c'est l'homme. Également, on peut citer que son père et sa mère, sallallahu alayhi wa sallam, sont en enfer, Allah al-Musta'an, comme il nous en a informé lui-même. Pour sa mère, il a demandé à Allah azawajal d'aller auprès de sa tombe et de demander pardon. Allah azawajal lui a refusé de demander pardon pour elle. Et ça, c'est la preuve qu'elle est mécréante et en enfer, Allah al-Musta'an. Bien qu'il soit mort, ses deux parents, bien sûr, avant sa venue, mais comme il nous en a informé que les gens de la Fatra, Ahlul Fatra, c'est-à-dire ceux qui sont entre deux prophètes, ou ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'islam, etc., ou celui qui est idiot et qui comprend pas, ceux-là, ils seront éprouvés le jour de la résurrection. Allah Azzawajal leur présentera un feu et leur ordonnera de se jeter dedans. Celui qui répondra à cet ordre, il sera sauvé, il ira au paradis. Et celui qui refusera sera jeté en enfer, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas accepté la da'wa des prophètes. Et ça, Allah Azzawajal le fait pour que les créatures voient. Mais sinon, Allah Azzawajal sait très bien si la personne, sans faire ça, si la personne est parmi les gens de l'enfer ou pas. Donc, sa mère et son père, il nous en a informé lui-même. Donc, il n'y a pas lieu à faire des grands débats, comme les soufis aiment bien, de dire comment ça vous dites que les parents du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sont en enfer. On dit, subhanallah, dans le Coran, qu'Allah Zajan nous a informé sur Hazar, le père d'Ibrahim. Il nous a informé sur le fils de Nour. Il nous a informé sur la femme de Lot. Et dans la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que personne ne conteste sur Abu Lahab, qui est son oncle. Donc, il n'y a pas lieu de faire des débats là-dedans. Et Allah Azzawajal, il a mis des liens entre les êtres humains, et il a établi des règles, mais aucun lien ne sauve la personne par elle-même. Ce lien ne sauve pas la personne de la même façon que quelqu'un de la descendance de Pharaon, il ne sera pas en enfer parce qu'il est de la descendance de Pharaon. Allah al-Musta'an. Donc ce hadith que j'ai cité précédemment, c'est la preuve que sa mère est en enfer, car Allah Azzawajal lui a refusé de demander pardon pour elle, mais il lui a autorisé à aller visiter sa tombe. Et quant à son père, lorsqu'un sahabi lui a demandé « Ô messager d'Allah, où est mon père ?» Il a dit « Abi wa abu ka finnar. » Mon père et le tien sont en enfer. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.